es mon plus beau paysage, ma nouvelle vie, mon plus bel avenir, un peu comme un mirage que je n'aurais pas vu venir. J'aime admirer ton regard et te graver dans ma mémoire, je le fais chaque seconde, tellement t'es belle même quand tu grondes. J'aimerais refaire le monde, agrandir la France, que tu sois ronde, faire découvrir une belle enfance à une mini blonde et qu'on parte en silence dans une même tombe. Un seul de tes soupirs pourrait faire exploser bien des royaumes, mais un seul de tes sourires pourrait faire naître l'envie d'avoir un môme. Un seul de tes plaisirs pourrait faire exploser mon cœur, et j'aime pas te voir souffrir, alors je souffle sur le pire et sur les pleurs. J'ai découvert un soir d'hiver ou bien d'été, je m'en souviens plus très bien et ça te fait pleurer tous les matins. T'es mon petit jardin secret et dans ton ventre pousse à l'envers une mini fleur dorée, et quand je vais l'accueillir tu vas te remettre à pleurer et puis à rire. T'es une mélodie qui plaît à tous les coups et à tous les couplets, t'es fragile. T'es la mélodie d'une lueur comme un soleil qui brille et qui m'abuse le cœur en douceur. Je voudrais pas que tu files ou bien que tu meurs. T'es mon rêve de gosse, je le savais même pas. Je voulais devenir une princesse dans son carrosse, mais je suis devenue accro à tes caresses. Marina, un seul de tes soupirs pourrait faire exploser bien des royaumes, mais un seul de tes sourires pourrait faire naître l'envie d'avoir un môme. Un seul de tes plaisirs pourrait faire exploser mon cœur, j'aime pas te voir souffrir, alors je souffle sur le pire et sur les pleurs. Elle dit, tu es une artiste. Elle dit, je suis ta première fan. Je lui dis, sans toi c'est triste, sans toi je fane. Sans toi je fane. Et si je t'aime plus que tu ne le penses, comment te le dire? Si les mots ne dansent pas comme prévu, comment te le traduire? Que sans toi je suis perdue. Et si tu ne t'aimes pas, moi je t'aime pour deux. Je t'aime pour de vrai et je t'aime encore mieux quand je suis près de toi. Je n'ai jamais connu meilleur que de te regarder vivre, ivre, libre. Tu m'enivres, tu m'embrasses et j'aimerais t'écrire un livre pour laisser une trace. Dans ton cœur, s'il y a une petite place, un seul de tes soupirs pourrait faire exploser bien des royaumes, mais un seul de tes sourires pourrait faire naître l'envie d'avoir un môme. Un seul de tes plaisirs pourrait faire exploser mon cœur, j'aime pas te voir souffrir, alors je souffle sur le monde.